Bonjour et bienvenue à bord de La Croisière Folk, une émission qui a comme but de vous faire découvrir toutes les facettes de la musique folk. Il y a trois raisons de se réjouir aujourd'hui. D'abord, eh bien, c'est la 300e émission, ce qui veut dire qu'on vous a, depuis la première émission, diffusé 4200 chansons. Ok, je vais être honnête, il y en a quand même qu'on a rediffusé plus d'une fois. Une deuxième raison d'être heureux, c'est que, eh bien, je suis là avec vous. Et une troisième, c'est qu'aujourd'hui, c'est une spéciale, comme on le fait toutes les deux semaines, une spéciale artiste féminine. J'espère que vous allez passer un excellent moment. On a commencé avec Rose Greenwood et sa chanson Dream Girl. Elle a déjà sorti trois albums, cette chanteuse folk originaire de Manchester. Et Dream Girl, sachez-le, c'est la seule chanson d'amour qu'elle a écrite. Et on va poursuivre avec Ariane Nadeau, Chez nous.

les noms de ce monde qui t'ont dit de venir les visiter. C'est pour te me laver que tu changeras de destination. Quand t'as mis un pied sur notre île, ton cœur a trouvé sa maison. C'est une histoire d'été, de souvenirs légers. Rien à faire qu'à rêver d'amour et de liberté. Le vent au bout du quai, où le temps s'est arrêté. Au rythme de tes flots, mon cœur s'est ancré à l'eau. La lune et le soleil sont témoins de nos réveils. Un peu bonheur éphémère pour deux êtres sans frontières. C'est une histoire d'été, de souvenirs légers. Rien à faire qu'à rêver d'amour et de liberté. Les plus talentueuses chanteuses et musiciennes folk du monde entier, c'est dans l'émission La Croisière Folk. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Every The moment's calling, take the time. We see much more when we unwind. Beauty's there for us to find, and it's right before your eyes. Yes, it's right before your eyes. Let our friendship be a flower growing slowly over time, weathering seasons, weathering showers. Cherish garden in our minds. The moment's calling, take the time. We see so much more when we unwind. Beauty's there for us to find, and it's right before your eyes. Yes, it's right. Dans la croisière folk, Linda Marx avec Learn to Really See a Flower. Et tout de suite, voici 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nobody does it better. 1, 2, 3, c'est la partie de l'émission au cours de laquelle vous allez découvrir un album. Aujourd'hui, c'est le tout nouvel album de Mary Chapin Carpenter qui s'appelle Personal History. Et avec cet album, elle signe probablement son album le plus intime, un album qui est sorti ou qui a débarqué le 6 juin 2025, donc c'est tout nouveau. Et cette chanteuse américaine aux 5 Grammy Awards livre son 17e album, qui est sans doute le plus autobiographique à ce jour. Il a été enregistré en live au prestigieux Real World Studio de Peter Gabriel. Cet opus de 11 titres mêle confidences et réflexions sur le temps qui passe. Porté par la sensibilité de What Did You Miss, chanson pivot de l'album, Mary Chapin Carpenter explore les petites joies, les pertes et les renaissances du quotidien. Produit par Josh Kaufman, l'album bénéficie d'arrangements sobres mais puissants. La mandoline se mêle au piano. La voix s'élève doucement et Anaïs Mitchell prête sa grâce vocale à la chanson Home is a Song, une œuvre sincère entre mémoire et lumière. Et donc de cet album de Mary Chapin Carpenter qui vient juste de sortir, qui s'appelle Personal History, je vous ai sélectionné 3 chansons. Home is a Song, en duo avec Anaïs Mitchell, What Did You Miss et The Night We Never Met. 1, 2, 3, 1, 2, 3, lancez la musique. Love is a language, time is a thief. Hope is a lantern, breath is relief. Memory is water pooled in your palm. Home is a song. Twilight's a whisper, night is a chord. Grudges are poison, anger's a sword. Beauty's a feeling you feel coming on. Home is a song. I keep singing like birds in the morning. I keep listening to the wind in the trees. I keep wondering, where am I going? And who will I be? Rain is a teardrop, envy's a thorn. A friend is a lifeboat when lonely's a storm. A ghost is a shadow that's here, then it's gone. And home is a song. A soul is a wing, calling all passengers, wanting to sing. One day we'll arrive where we belong, where home is a song. When we arrive where a song. 1, 2, 3. What did you miss when the days went missing? What did you wish for when the world went dark? Street lights still switched on in the evening. The sun still performed its daily march. What did you do with all those hours? How did you fill up all that space? Spring still arrived with all its flowers as you tilted a screen towards someone's face. I wanna stay out late in a crowded dive bar where the windows steam up from the inside. I wanna dance with my friends till I can't stand up, like a champ face down at ringside. What did you see when the days turned shapeless? Dreaming of distances beneath the blue. for miles alone and aimless, trying to recall what made you you. We used to meet at the end of my street, ready to jump right in, watching city lights shimmer in the heat, cold beers in our hands. We're out on the porch underneath the trees, in the shadow of a neighbor's light. A buzz and a glow, our voices low, confiding in felt so lonely that you never believed you'd be whole again. Autumn still shone so gold and holy, and all we could do was remember when. I've been walking in circles for so long, unwinding the mystery. I've been writing it down, song by song, as a personal history. Personal history. Personal history. On the night we never met, I saw you standing in a crowded station waiting for a train. Or maybe you were staring out from a cafe, and I was walking by in the rain. Did I make you up or did my eyes deceive me? Did you pause just long enough to almost see? One star-crossed lover who keeps missing the other, a random spark not meant to be. Were we ships destined to pass? All the dreams, all the laughs, all the years not growing old together. Was the hour too late? Did chance mess with fate, leaving us forever untethered? Now I'm off and quiet, but I'm always listening. And if I can't be strong, I hope that I am kind. But I keep thinking some part of me is missing, and I miss it because you're not mine. Is love simply an accident of timing? a collision of coincidence, and yet ancient history or mystery, I wish you had kissed me on the night that we never met. I wish you had kissed me on the night that we never met. On the night that we never met. Centième album que je vous fais découvrir dans cette émission La Croisière Folk, c'était Mary Chapin Carpenter, album sorti le 6 juin 2025 avec donc Personal History. On a écouté trois chansons, Home, Is a Song, un duo avec Anaïs Mitchell, What Did You Miss et The Night We Never Met. Si vous venez de vous brancher, sachez que c'est La Croisière Folk que vous écoutez et qu'aujourd'hui, eh bien, on met en avant, comme on le fait toutes les deux semaines, les talents féminins. Un bonjour à tous ceux qui nous écoutent depuis la ville de Mons en Belgique, et c'est très bientôt la fête du doudou. Alors c'est une fête qui existe depuis 1248, qui se déroule lors du week-end de la Trinité, c'est-à-dire 57 jours après Pâques, et il y a entre autres plein d'activités, dont un combat entre Saint-Georges et le dragon, et il est de coutume d'essayer d'arracher des poils de la queue du dragon, et ça porte bonheur. Alors pour la petite histoire, sachez qu'en 1957, des petits coquins d'étudiants avait volé le dragon, mais rassurez-vous, on l'a retrouvé à temps pour célébrer les festivités. Cette année-ci, c'est Yannick Noah qui sera, c'est pas lui qui sera le dragon, mais il y a un concert de Yannick Noah. Et si vous voulez en savoir plus hein, sur ces festivités du doudou, eh bien, vous avez la page Wikipédia, mais vous avez aussi le site mons.be, donc mons.be, et puis monsblog.be. Allez, je vous propose donc, après ce poème, un dragon. J'ai oublié de vous dire que nous en sommes à la poésie, et puisqu'on parlait du dragon, eh bien c'est un poème de Corinne Albeau qui s'appelle Un dragon chez soi. Dans ce poème, elle joue avec l'imaginaire pour évoquer la présence d'un être fantastique dans le quotidien. Ce dragon, loin d'être menaçant, devient un compagnon familier et rassurant. Il symbolise peut-être les émotions puissantes que l'on apprivoise et où l'imaginaire de l'enfance rend la réalité plus douce. C'est un poème qui invite à accepter ce qui est étrange ou différent en soi. C'est une célébration tendre de la créativité et de l'intime. Mais du côté musique, eh bien après ce poème, il y aura Sierra Hull avec Muddy Water, extrait de son nouvel album Tip Toe High Wire. Également Alison Krauss, When You Say Nothing At All, une chanson écrite par Paul Overstreet et Don Schlitz en 88. Elle a été reprise en 99, donc en 99, par Ronan Keating, donc artiste irlandais. C'est une chanson qui figure sur son premier album intitulé Ronan, et également sur la BO du film Notting Hill. Voilà, je vous signale également que nous avons une page Facebook. Vous avez plein de vidéos d'artistes qui sont diffusées dans cette émission, que vous pouvez voir sur la page Facebook qui s'appelle La Croisière Folk. Mais on a une adresse mail, hein, si vous avez envie de nous faire un petit coucou. La Croisière Folk en un mot. Mais en un mot, pas écrire en un mot. Hein, donc, lacroisièrefolk@yahoo.com. Avoir un dragon chez soi, ce n'est pas si mal que ça. Surtout lorsqu'il fait très froid. Quand on lui tire la queue, ça le rend tellement furieux que sa gueule crache du feu. Il réchauffe l'appartement, il sèche les vêtements. Les parents sont tout contents. Sans complexe dans l'univers enchanteur des artistes féminines de la scène folk. At all. Célébrer la magie et l'authenticité du folk féminin grâce à la croisière folk. Bienvenue dans la Minute Astuce, votre cocktail d'ingéniosité pour pimenter votre vie. Dans chaque chronique, on vous livre les secrets malins pour simplifier votre quotidien et rendre chaque journée un peu plus douce. Que ce soit en cuisine, en bricolage, en santé ou même en beauté, la Minute Astuce vous offre les clés pour dompter tous les défis du quotidien. Alors, accrochez-vous pour une minute ou deux et découvrez comment devenir le roi ou la reine de la vie pratique avec nos astuces éclairs. Prêt pour un coup de génie? C'est parti pour une minute ou deux d'astuces qui révolutionneront votre quotidien. Dans la minute astuce, eh bien, on va vous parler de la capucine pour les cheveux. Est-ce qu'il n'y a pas une chanson avec la capucine? Oui, ça part, c'est « Dansons la capucine ». Non, qu'est-ce que je chante mal? Alors, vous en avez marre du crin, des fourches, des cheveux comme de la paille. Voici un masque spécial cheveux secs. Alors, vous faites infuser des graines de capucine, donc c'est des fleurs, dans de l'eau bouillante pendant un quart d'heure. Puis, vous filtrez, battez deux œufs avec une cuillère de rhum et versez l'infusion de capucine dessus. Laissez poser 10 minutes sur les cheveux. Oui, c'est une chanson, hein. « Dansez la capucine ». Ah voilà, je vous ai mis la chanson dans l'oreille. Voici JKL, à l'heure qu'il est, Annabelle Santiago, avec une reprise en espagnol de la chanson de Johnny Cash, Folsom Prison Blues. C'est extrait de son album Desnuda, album sorti en 2007. Et puis sachez qu'elle est née le 18 juin en Argentine. Et il y aura aussi Nolwenn Leroy avec Jolie Louise. Voilà le programme de cette émission La Croisière Folk. J'espère qu'elle vous plaît. Je vous rappelle, lacroisierefolk@yahoo.com, c'est le mail. Et puis on a une page Facebook qui s'appelle La Croisière Folk. Si vous ne l'avez pas encore liké, qu'attendez-vous pour le faire? À l'heure qu'il est, je devrais dormir, mais je crois ce soir que je ferais mieux de t'écrire. À l'heure qu'il est, je devrais rêver, mais ce soir je crois que je rêve mieux éveillé. Mmh. qu'il est, je ne compte pas les moutons. Je me laisse dériver au fil des émotions. À l'heure qu'il est, je repense à notre île. Notre île déserte, et ça me rend fébrile. Ces quelques mots. Pendant ton sommeil, j'aspire à ta peau. Je devrais dormir, mais je crois ce soir que je ferais mieux de t'écrire. Escuché el tren que pasa, un para. Vende quién sabe cuándo, num villagio del sol. El tiempo no me pasa, tiran esta prisión. Mi madre.